Je connais Furax mieux que vous. C'est un grand criminel, le pire assassin de tous les temps. Il a supprimé des tas de vies inutiles, mais son honneur à lui a des raisons que la raison ignore. N'écoutez pas la vieille, pousse la grille de ma demeure. Faites pas gaffe à l'enseigne qui dit attention, maigrit en mal de meurtre. Tu passeras des arbres sans feuilles et arrivé au clocher. Pas que des astres sans feuilles et gravés au crochet. Longe les débris de l'auberge, les tatars de page, et longe la rage qui détruisait nos berges. Te conseille pas de camper, la route est longue, accroupie sous les ronces. Les rouveurs te diront d'éviter l'ombre à tout prix. Marche autrement et tu verras la bâtisse, l'autre monde. C'est comme ça que les villageois la bâtissent. Ils y font les craques, les vitres sortent. Toi, ne t'effraie pas des bruits, des volets claquent, des vitres sautent. Donc entre dans sans frapper là. Apprécie la jolie scène, t'es sur le parquet là. Tapisserie à jaunir. Maintenant prends l'escalier, pas à pas. Rassure les meubles, s'il y a des draps sur les meubles, sûrement que le palais n'est pas à passer. Longe le couloir qui est à 6 mètres. Ronge par un sentiment étrange. Te voilà quasiment à 6 mètres. Oppressé, tu paniques. Ton corps tout entier tétanise, tremblant. Te voilà rampant, cherchant une plante et tes canines. Regarde-toi halluciné, entamer le décompte. On ne peut ni entrer ni sortir, j'y suis né dans les décomptes. Tu voulais voir l'approche, mon pote, tu meurs de faim de froid. Où tu es mort devant la porte, il était 23h. Les pantins ont fait tomber le masque. Et sais-tu qui ils vont trouver derrière? Furax. Furax, d'autant plus grand qu'il est plus seul. Puisque le bien me rejette, j'irai rejoindre le mal.